Je lisais dans le Time, dans le Newsweek aujourd'hui, ce matin, qu'on essayait de faire, qu'on vient de terminer le film de Gandhi. Et on s'aperçoit d'un phénomène assez extraordinaire parmi les grands hommes qui ont marqué notre histoire. C'est que dans leur biographie ou dans leur autobiographie, mais surtout dans leur biographie, parce que dans une autobiographie, on se louange, tout autre chose. Mais dans une biographie, quand quelqu'un écrit ou a suivi tel ou tel grand homme, on s'aperçoit qu'il y a eu des erreurs monumentales dans le jugement de ces hommes vis-à-vis d'autres hommes. Comme Churchill, par exemple, n'a jamais pu saisir la valeur réelle de Gandhi. Il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui n'ont pas saisi la valeur réelle de Gandhi quand il était vivant. Or, quand le bonhomme est mort, à ce moment-là, on fait une apothéose. On rend public sa philosophie, ainsi de suite. On parle toujours en bien des morts. T'sais. Mais parler en bien des vivants, c'est pas facile. Et quand un homme est dans le monde, c'est encore plus difficile de parler en bien de lui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de radiométrie suffisamment avancée dans notre mental pour être capable de voir seulement le de voir et d'utiliser seulement ce qui est bon et grand dans les hommes. On peut voir ce qui est pas bon dans les hommes, on peut voir ce qui est écourté dans l'homme. Mais on ne doit utiliser que ce qui est bon dans l'homme. Un homme a, c'est le privilège de l'homme de voir les défauts et les qualités d'un personnage. Mais ce n'est pas le privilège de l'homme d'utiliser ce qu'il voit contre lui. Comment on veut dire? Et c'est ça qui est à la source des convulsions qui existent dans le monde. C'est que les hommes voient, parce qu'il y a des erreurs vécues ou créées par des hommes qui sont inconscients, qui sont naturelles, ça fait partie de la réalité. Mais de là, voir ces erreurs-là et de les utiliser contre eux, c'est pas honnête, c'est pas intelligent. C'est purement subjectif. Mais lorsque l'homme prend conscience de sa pensée radiométrique, il n'est plus capable de faire ça. Il peut voir les deux aspects de l'homme, le bon et le mauvais côté, mais lorsqu'il parle de l'homme, il ne peut pas parler de l'homme négativement. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques universelles de la pensée radiométrique. C'est impossible, lorsqu'un homme a une pensée radiométrique, de parler en mal de quelqu'un à quelque niveau que ce soit. Et je vous dis ça pour vous faire comprendre quelque chose. Que la mesure de la pensée radiométrique, c'est votre capacité de parler en mal de quelqu'un. Moins vous êtes capable de parler en mal de quelqu'un, plus vous avez une pensée qui tend vers la radiométrie. Autrement dit, plus il y a de rayonnement dans votre pensée et moins il y a de tourbillons. Plus vous avez tendance à parler en mal de quelqu'un, que ce soit d'une façon ou d'une autre, plus il y a de tourbillons dans votre pensée, moins il y a de rayonnement, moins votre pensée est radiométrique et plus éventuellement vous serez obligé, vous serez forcé par la vie à vous ajuster. Si vous ne vous ajustez pas, éventuellement, les forces de vie qui sont supérieures aux forces planétaires vous rejetteront. Ce sont des lois cosmiques. Et quand je dis que les forces de vie vous rejetteront, je veux dire qu'éventuellement, il y aura une séparation entre vous et un noyau quelconque ou un nombre quelconque d'êtres humains sur la Terre. L'être supramental de demain, l'être supraconscient de demain, aura une pensée radiométrique et ne pourra pas vivre, vous continuez à vivre en fonction de ceux qui ont une langue morte. Ils ne pourront vivre en fonction que de ceux qui ont une langue vivante. Et la langue vivante, c'est la langue qui est l'expression de la pensée radiométrique. Et pour vous donner une mesure de votre radiométrie dans le mental, regardez jusqu'où vous pouvez aller dans votre dialogue dans le monde à parler contre une personne. Et ça, c'est une loi cosmique. Vous me demandez des fois, Bernard, contenu donc des lois cosmiques, mais je vous en compte une loi cosmique, ça n'est une. La pensée radiométrique ne peut pas utiliser ce qui est astral dans l'homme pour le bénéfice de l'ego qui la parle. Parce que l'ego qui la parle n'a pas besoin d'astralité pour exprimer dans le monde l'énergie de l'intelligence canalisée à travers la pensée radiométrique chez l'être humain conscient. Autrement dit, un être conscient n'a pas besoin du mal pour créer une forme de bien qui réfléchit bien ce que lui veut qu'elle réfléchisse. Et ça, c'est extrêmement important parce que viendra le temps au cours des années où votre sensibilité sera tellement grande, où votre capacité de voir dans les hommes sera tellement grande, mais où encore vous n'aurez pas suffisamment de contrôle sur votre pensée radiométrique, de sorte que vous serez très, très facilement amené à critiquer et à juger une condition dans l'homme. Et à ce moment-là, vous ferez une erreur parce que vous n'aurez pas suffisamment de subtilité dans votre intelligence pour démystifier l'ego afin de faire pénétrer dans l'ego de l'information qui est purement objective concernant une situation ou une autre. Il faut avoir une pensée isométrique pour aller chercher dans l'homme ce qui est mauvais et le lui expliquer comme faisant partie de son expérience qui n'est pas terminée. Si un homme a quelque chose en lui qui est mauvais, qui n'est pas fini, ça prend une pensée radiométrique pour aller chercher ce matériel-là, pour lui monter ce matériel-là et lui faire comprendre que ce qu'il est, ce n'est pas important. C'est ce qu'il doit devenir après avoir été ceci qui compte. Et plus l'homme se conscientisera, plus l'homme deviendra sensible à l'autre, plus l'homme développera une voyance de l'autre, plus l'homme deviendra sûr de son jugement, plus l'homme sera sujet à faire l'erreur de critiquer et de parler négativement d'une personne, jusqu'à temps qu'il développe une pensée suffisamment radiométrique pour ne plus être capable verbalement de manifester envers ou contre une personne une forme quelconque de pensée qui est moins basse en vibration que la pensée radiométrique qui est issue du plan mental supérieur. Vous ne serez même pas capable, les mots ne sortiront pas de votre bouche. Si les mots sortent de votre bouche à ce moment-là, c'est parce qu'il y a encore la subjectivité de l'astralité dans votre mental et que votre pensée n'est pas suffisamment radiométrique. Mais ça, ça mène à d'autres choses. Ça, c'est simplement une observation psychologique pour vous donner conscience de la mesure à l'intérieur de laquelle la pensée isométrique peut être élevée en fonction d'une pensée subjective. Mais ça mène quelque part, ça. Quand un homme a pris conscience qu'il est incapable de parler en dehors de la radiométrie de sa pensée, il découvre à ce moment-là le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole commence au moment où l'homme prend conscience qu'il n'a pas la capacité vibratoire de parler en dehors de la radiométrie de sa pensée. Et ça, ça se fait naturellement, c'est automatique. À ce moment-là, n'étant plus capable de se servir de pensée inférieure pour canaliser l'énergie d'intelligence, il est obligé de se servir d'une pensée supérieure ou d'une parole supérieure pour canaliser l'énergie d'intelligence. Automatiquement, il est radiométrique et automatiquement, il est assujetti aux lois de l'intelligence, donc aux lois de la lumière, donc aux lois de la créativité mentale, donc à l'anéantissement total en lui de la polarité du bon ou du mauvais vis-à-vis l'homme. Donc, il n'est plus capable de juger l'homme. Il ne peut porter dans le monde qu'une observation objective de l'homme afin d'introduire l'homme à une vision que lui a de lui-même, afin d'aider l'homme à grandir et devenir plus conscient, autrement dit, plus radiométrique dans sa pensée. Alors, si vous parlez le moindrement, quand même, ce serait gros comme ça, contre une personne. Je ne parle pas contre les institutions. Ça, c'est un autre aspect. Mais contre une personne, contre un être humain, votre pensée n'est pas radiométrique. Quand votre pensée sera radiométrique et que vous devrez, pour une raison ou une autre, parler, faire des observations sur l'organisation sociale de l'homme, que ce soit du gouvernement, des religions, des philosophies, et ainsi de suite, même là, la loi radiométrique de l'intelligence vous informera instantanément de ce que vous pouvez dire et de ce que vous ne pouvez pas dire. Mais rendu à ce point-là, quand vous serez dans le monde ou que vous parlerez dans le monde, les mots qui sortiront de votre bouche seront des mots qui seront suffisamment vibrants pour que l'homme automatiquement soit attaché à votre personne par le biais de la manifestation mentale de votre intelligence. Et c'est comme ça que se diffusera dans le monde la pensée radiométrique, ce qu'on peut appeler la conscience supramentale. L'homme est un être qui convoite constamment l'approbation des hommes pour se sécuriser au niveau de son ego. Et dans cette expérience de convoitise pour l'approbation des hommes pour se sécuriser au niveau de son ego, il ne s'aperçoit pas qu'il dérange constamment l'alignement entre son esprit et son âme. C'est-à-dire qu'il dérange l'alignement très subtil qui existe entre son esprit qui est dans le dos, l'éthérique, et son âme qui est encapsulée dans son corps astral, sa conscience astrale. Et le moindre dérangement entre ces deux aspects de lui-même crée une tension. Et c'est ça qui fait que l'homme, dans ses relations humaines, n'est jamais parfaitement à l'aise. C'est dur d'être parfaitement à l'aise avec un étranger. Parfaitement à l'aise. Parce qu'il y a toujours un dérangement entre l'esprit et l'âme. Qui est créé par quoi? Par la réflexion dans l'ego de l'homme. À cause de quoi? Des paroles qui sont, ou des pensées, qui sont manifestées par l'un et par l'autre d'une façon non radiométrique. Si deux êtres se rencontraient et avaient une même radiométrie, il n'y aurait aucun dérangement entre l'âme et l'esprit de ces hommes-là. Et automatiquement, ces deux hommes-là se comprendraient parfaitement. Ils vivraient une sorte d'amour qui est inexplicable. Un amour qu'on ne peut pas comprendre. Un amour qui est de l'ordre mental et qui n'est pas de l'ordre émotionnel. Un amour qui ne fait pas partie du besoin humain. Un amour qui fait partie du besoin de l'esprit dans l'homme, ainsi de suite. Un amour qui est très, très subtil, qu'on ne peut pas cerner, qui n'est pas astral, qui est totalement mental. Tu aimes quelqu'un, mais tu ne sais pas comment, pourquoi. Tu l'aimes, final, c'est tout. Alors, la radiométrie de la pensée, c'est très important parce que c'est à travers la radiométrie de la pensée ou le développement sur la terre de la pensée radiométrique que l'amour sera vécu très, très, dans un sens très rapproché entre deux êtres. Mais un sens rapproché au nom de l'esprit et non un sens rapproché au nom de la conscience astrale de l'homme. Pour le besoin de l'esprit de l'homme et non pour le besoin du corps émotionnel de l'homme. Et l'esprit dans la matière a ses besoins. Et lorsque l'esprit de la matière manifeste le besoin de vivre à travers l'ego, l'amour humain, c'est parce que l'esprit veut se situer vis-à-vis l'homme qui le vit et vis-à-vis l'autre qui en est l'expression. Donc, à ce moment-là, l'esprit de l'homme va faire créer un pont avec l'esprit de l'autre, même si l'autre ne le sait pas. Même si l'autre ne le comprend pas. Mais du moment qu'il y a un homme ayant l'esprit de l'amour mental, à cause de sa capacité d'être ou de vivre des pensées radiométriques, automatiquement, l'autre homme subit un échange d'énergie avec lui, et éventuellement l'autre homme aussi devient radiométrique, mais pas dans le mental. Il devient radiométrique sur le plan émotionnel. Donc, en passant par sa conscience astrale, il vit la conscience mentale de l'autre, ce qui lui fait reconnaître l'amour de l'autre pour lui, qui est supérieur en vibration parce qu'elle est mentale, mais chez l'autre, elle est vécue d'une façon plus émotive parce qu'il n'est pas encore dans le mental totalement. Et éventuellement, cet amour-là passe au stage du mental. Et éventuellement, les deux êtres s'aiment dans le mental. Et à ce moment-là, ils sont tous les deux radiométriques dans l'intelligence. Alors, le phénomène de la radiométrie de la pensée deviendra le phénomène le plus imposant et le plus important de la nouvelle civilisation parce que les hommes s'aimeront, apprendront à s'aimer et connaîtront l'amour sur le plan humain en fonction de la radiométrie de leur pensée. Ce qui les amènera éventuellement à des états de conscience supérieure, ce qui les amènera éventuellement à une conscience totale dans l'éther, où l'amour sera vécu à un autre niveau, cosmiquement parlant. Ce n'est pas facile. Pour certaines personnes de tempérament, c'est plus facile que d'autres. Mais ce n'est pas facile pour certaines personnes de contrôler l'acide, je dis pas le venin, je dis l'acide de leur langue. Parce que les gens ne sont pas tous venimeux, mais il y a de l'acide. Et c'est pas facile pour les gens de contrôler l'acide, parce que les gens ne sont pas capables de mesurer la différence entre ce qu'ils sentent et ce qu'ils savent. Ils pensent que ce qu'ils sentent, c'est ce qu'ils savent. Et ce qu'ils sentent n'est pas ce qu'ils savent. Ce qu'on sent n'est pas ce qu'on sait. Ce qu'on sait n'a rien à faire avec ce qu'on sent. Et c'est le fait qu'ils sentent ce qu'ils savent qu'ils ont tendance souvent à vouloir corriger le monde ou à imposer sur le monde une vue qui leur est propre, qui naît du fait qu'ils sentent, mais qui ne naît pas du fait qu'ils savent. Parce que s'ils savaient, ils ne parleraient pas ainsi, ils seraient radiométriques. Donc, ce genre de langage n'existerait pas dans leur expérience verbale quotidienne. Il vient un moment, ça c'est très subtil, il vient un moment, si je vous disais, moi, que ça c'est simplement la cause secondaire, c'est l'outil, c'est l'alibi, si je vous disais que la raison pour laquelle je cesse mes activités, c'est parce que j'ai entendu que des gens ont parlé d'une façon oisive de ma personne. Les gens ont interprété des événements dans ma vie qui sont totalement en dehors de la réalité de ma vie. Et ça, c'est le mécanisme, c'est l'alibi dont je me suis servi pour commencer à couper mes activités, parce que je me suis dit, les gens sont rendus à un point où il y a trop d'énergie et ils ne savent plus comment l'utiliser, cette énergie-là. Donc, là, c'est rendu que c'est l'énergie qui émane, c'est plus eux autres qui mènent l'énergie. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé mon char chez M. Labelle pour 4 jours. Alors, je me suis loué un automobile. Je me suis payé du luxe pour 4 jours. Je me suis loué une Continental, une grosse machine de luxe. C'était le fun. C'était intéressant. C'était mieux, c'était plus confortable. Là, le bruit a couru que je m'étais acheté une grosse Continental. Ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai dit peut-être que je vais me mettre avec un certain nombre d'amis, puis on va acheter une petite maison dans les îles, puis aller se reposer de temps en temps. Là, le but courait que déjà j'avais acheté la maison dans les îles. Puis ensuite, j'ai commencé à parler de la transmutation du couple. Là, déjà, le bruit courait que je m'étais divorcé de ma femme. Et ça, c'est la raison, ça, c'est l'outil. Je peux me servir de n'importe quel outil. Si ça avait été fait il y a 3 ans, j'aurais passé par-dessus. Il y a 2 ans, j'aurais passé par-dessus. Il y a 1 an, j'aurais passé par-dessus. Mais aujourd'hui, je passe pas par-dessus. Alors, je me sers de la situation, parce que je fonctionne simplement vibratoirement, je me sers de la situation pour arrêter mes activités. Autrement dit, j'ai arrêté mes activités parce qu'il y a eu des gens parmi les séminaristes qui n'ont pas été suffisamment radiométriques. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi je cesse mes activités. Mais ça, c'est simplement la raison de surface. Il viendra le temps dans vos vies plus tard où, si vous n'êtes pas suffisamment radiométrique dans votre pensée, autrement dit, si vous n'avez pas cette objectivité froide de l'intelligence, la simple vibration de vos paroles créera des remous dans l'éther et divisera les éthers. Divisera les éthers. Et quand vous serez divisé dans vos éthers, vous serez divisé en tant qu'être sur le plan de l'amitié. Vous ne pourrez pas goûter de l'amitié entre vous. Pour qu'un homme supramental, supraconscient, goûte de l'amitié avec une catégorie extrêmement variée de personnalité, il faut qu'il soit très radiométrique. Mais si les hommes ne sont pas radiométriques, ils n'auront pas la capacité de vivre cette amitié extrêmement tangible, extrêmement subtile, extrêmement délicate, comme une fleur qui peut être fanée à la moindre vibration qui naît d'une pensée subjective non radiométrique. Et je vous dis ça aujourd'hui, et je vous parle en connaissance de cause. Ce sont les lois vibratoires de l'esprit. Et ce sont des lois vibratoires de l'esprit. Et l'homme peut, sur le plan humain, sur le plan subjectif, jouer la comédie humaine. Mais sur le plan vibratoire de l'esprit, l'homme ne peut pas jouer. Parce que sa pensée est radiométrique, donc son action est directement le produit de cette pensée-là. Et quand elle part, cette pensée-là, l'homme n'a plus les moyens subjectifs pour la contrôler, pour l'éliminer, pour empêcher de la vivre. Et c'est à ce moment-là que ceux qui seront dans une très haute radiométrie mentale, qui rencontrera d'autres personnes qui sont dans une plus basse radiométrie mentale, ne pourront pas avoir de lien avec eux, et c'est ça qui créera la grande pyramide, la grande hiérarchie de la sixième race. La sixième race sera hiérarchisée. La démocratie n'existe pas dans la conscience cosmique. Ne vous fiez jamais et n'ayez jamais l'illusion que la démocratie existe dans la conscience cosmique. Parce que les différents niveaux de sensibilité des différents hommes requièrent différentes énergies pour que ces hommes puissent parfaitement s'intégrer à l'éther à laquelle ils appartiennent. Donc, n'ayez jamais d'illusion, jamais d'illusion. Ce n'est pas un mouvement spirituel, la sixième race. Les mouvements spirituels dans le monde sont créés par les maîtres. La sixième race est créée par l'instruction mondiale. Donc, il y a des lois rigides, inaltérables dans la construction de la sixième race. Et l'homme qui vient sur le plan matériel pour créer la sixième race, dans sa forme humaine, s'appelle Bernard de Montréal, mais dans sa forme éthérique sera connu plus tard. Donc, les lois sont absolument imperturbables. La sixième race est hiérarchique et pyramidale. Mais elle est parfaite dans sa tête comme elle est parfaite dans sa base. Donc, l'énergie dans la tête va jusque dans la base parce que la radiométrie de l'énergie est parfaitement distribuée dans la pyramide. Donc, les hommes, quel que soit leur niveau de conscience, pourvu qu'ils aient une radiométrie parfaite, pourront appartenir à la pyramide de la conscience cosmique, planétaire de la nouvelle génération des hommes de la sixième race, ceux qui reviennent pour un dernier cycle des anciennes involutions de l'Atlantide. Un jour, les hommes comprendront qu'autant ils peuvent créer, autant ils peuvent faire, autant ils peuvent s'empêcher de faire et de créer à cause de leur inconscience. Autant les hommes sont radiométriques dans leur pensée, autant les hommes pourront secouer le joug de la conscience planétaire à tous les niveaux sur le plan matériel, et éventuellement à vivre des vies qui sont totalement abondantes, tant sur le plan matériel que sur le plan de l'esprit. Mais les lois sont fixes, les lois sont sidérales, les lois sont vibratoires, et les lois ne peuvent pas être changées. La vie ne se change pas. La vie, elle est régie par la lumière, et ces lois sont fixes. Et les hommes devront un jour vivre ces lois, devront vivre de la conscience supramentale à la mesure de la radiométrie de leur pensée, ce qui veut dire à la mesure de la radiométrie de leur action, de leur langage. Alors faites bien attention à ce que vous dites dans le monde. Moi, personnellement, que vous dites n'importe quoi contre ma personne, ça ne change rien. Mais un jour, vous direz des choses contre la personne, contre une autre personne. Et à ce moment-là, vous changerez l'éther, vous perdrez un ami. Même moi, si vous m'inculpez ou si vous essayez de ternir mon image par ignorance, ça, vous ne pouvez pas empêcher mon lien avec vous parce que c'est moi qui contrôle. Si je sais que dans 10 ans, vous serez dans une certaine radiométrie mentale, même si vous me dites aujourd'hui que je suis un être ignoble, un jour, je vais vous amener à comprendre et à réaliser qu'on fait partie de la même énergie. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie de mon pouvoir de ne pas être influençable sur le plan émotionnel. Mais les gens parmi vous, vos amis, ne sont pas encore arrivés à ce stage-là. Et si vous n'êtes pas capable de réaliser l'importance de la grande objectivité qui mène à la radiométrie dans le langage, vous perdrez vos amis qui peuvent être très, très chers. Donc, vous vivrez éventuellement seul. Aujourd'hui, ça va, mais dans 10 ans, ça ne sera pas pareil. Puis dans 15 ans, ça va être encore pénible, beaucoup plus pénible. L'homme ne peut pas se permettre demain d'être seul. L'homme aura besoin demain d'avoir des liens très étroits dans toutes les parties du monde avec des hommes qui ont une pensée radiométrique très développée afin que cette pensée radiométrique puisse les aider à se séparer des convulsions qui bouleverseront le gouvernement et les planètes. Alors, aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de vous calfeutrer, de vous garder à l'intérieur de votre petit cocon, de votre petit groupe, mais un jour, vous serez obligé d'avoir accès à plusieurs personnes. Chaque personne ayant sa propre intelligence, sa propre radiométrie, chaque personne sachant exactement quoi faire. Et ce sont ces gens-là qui vous diront un jour, mais prends le bateau et va-t'en à telle place, on va te donner les moyens pour aller là, on va te donner les moyens pour aller là, on va te donner les moyens pour aller là. Un jour, vous aurez besoin de vous-même. Alors, inutile pour vous aujourd'hui de perdre l'occasion future parce que vous n'aurez pas été suffisamment objectif ou radiométrique dans vos mots, dans vos paroles. Ma situation avec vous autres est différente parce que ma situation avec vous autres naît du fait, naît du choc. Je choque l'homme. Alors, il est évident qu'en choquant l'homme, il y a du feedback. Le fait que je crée des chocs qui changent la vie de l'homme, ça crée du feedback jusqu'à temps que l'homme s'ajuste, il rentre dans son intelligence. Alors, je ne peux pas blâmer l'homme pour être injuste envers, envers moi-même. Mais je dois faire comprendre à l'homme qu'il ne peut pas se permettre d'être injuste envers ses semblables. Vous pouvez vous permettre d'être injuste envers moi, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'être injuste envers vous autres. Si vous êtes injuste envers moi, ça ne change rien. Mais si vous êtes injuste envers vous autres, vous changez beaucoup. Vous changez beaucoup l'état de vos relations. Et éventuellement, il se fera en sorte que les seules personnes qui voudront être ensemble dans une relation amicale, une relation perpétuelle, seront ceux qui, ont une, qui auront une même radiométrie dans la pensée. Très, très important ce que je vous dis. Très important. Gueulez après moi, mais gueulez pas entre vous autres. Parce que vous n'avez pas suffisamment de vision pour voir que celui qui gueule contre vous voit plus, vous, plus loin que vous-même. Ou vice-versa. Alors, la radiométrie de la pensée, ça va très, très loin. Et quand l'homme sera totalement radiométrique, il n'aura plus dans le monde contact qu'avec des êtres qui sont de la même vibration que lui. Bien que l'octave soit différente, mais la vibration sera la même. La division entre les hommes, elle est le résultat de la, du fait. Elle résulte du fait que la radiométrie dans la pensée humaine n'est pas suffisamment élevée. C'est ce qui a créé la division entre les hommes à tous les niveaux de la société humaine, dans tous les pays du monde, à toutes les échelles hiérarchiques. Alors, vous avez l'occasion, dans un temps qui va de plus en plus rapidement, de plus en plus vite, de réaliser que les hommes qui sont parmi vous sont des êtres qui vont vers la découverte de la radiométrie. Vous ne pouvez pas vous permettre de les abattre avec des paroles qui sont injustifiées ou injustifiables, d'ailleurs. Il n'y a aucune parole négative qui soit justifiable. Qu'elle soit compréhensible, oui, mais qu'elle soit justifiable, non. Aujourd'hui, vous avez suffisamment d'égocentricité, de mécanismes subjectifs, de libre arbitre pour dire, bon, ben, lui, je veux pas le voir, puis lui, je veux le voir, puis lui, je veux pas le voir, ou elle, je veux pas avoir. Un jour, vous n'aurez plus ça, cette affaire-là. Vous serez forcé de le voir. Vous serez forcé de l'avoir. Vous aurez plus le choix subjectif, égocentrique, de plus voir telle personne, plus voir telle personne. Pourquoi est-ce que vous pouvez vous permettre de vous dire, lui, je veux plus le voir, puis lui, je veux plus le voir? Parce que vous avez encore la capacité de juger l'autre. Pour ça. C'est capable. Mais quand vous aurez une pensée radiométrique, vous aurez plus cette capacité-là. Et à ce moment-là, même si vous ne voulez pas le voir, vous allez oublier de le voir, puis là, il va se faire un travail sur vos corps, puis c'est là comme ça que vous allez devenir radiométrique. Ce Ceci ne veut pas dire que vous êtes obligé de démocratiser votre vie sociale. Ceci ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir tout le monde avec vous, tout le monde dans votre vie, tout le monde dans vos culottes. Parce que les gens ne sont pas encore tous prêts à être dans vos culottes, dans votre vie. Quand je dis dans vos culottes, je veux dire avec vous tout le temps. Faut que je... Il y a des gens qui ont une certaine vibration, qui sont plus... avec lesquels vous pouvez avoir plus de plaisir, plus d'entre-gens, ainsi de suite. Qui ont moins de problèmes personnels, ainsi de suite. Alors, il y a plus d'objectivité dans vos relations. À ce moment-là, vous avez des amitiés avec ces gens-là. Mais c'est pas parce que vous avez des amitiés avec ces gens-là que vous ne pouvez pas côtoyer les autres, leur dire bonjour, comment ça va, objectivement. Une différence. Moi, si je vais dans un restaurant, je ne vais pas être à table avec n'importe qui. Je veux relaxer. Sans ça, on va travailler tout le long. L'un qui a une béquille, l'autre qui a trois béquilles, l'autre qui a 10. Je vais parler avec celui qui n'en a pas. Fait que celui qui en a 10, il va se sentir mal, il va être dans un coin. Fait que pour empêcher qu'il souffre pour rien, mais je vais aller chercher des gens qui n'ont pas besoin de béquilles. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire à celui qui a 10 béquilles, bonjour, comment ça va? Et c'est ça qu'on doit apprendre. La démocratie n'existe pas dans la conscience cosmique. Tout est hiérarchique. Et ce n'est pas parce que les choses sont hiérarchisées que ça force l'homme, qui est à la base, de diminuer l'autre, qui est sur un plan plus élevé vibratoirement, parce qu'il y a plus d'expérience au niveau d'esprit. Donc, watchez-les vos paroles. Je ne peux pas, personnellement, vous... jeter le blâme sur une ou quelques personnes pour le fait que je laisse mes activités. Mais je peux dire que si je laisse mes activités, c'est parce que cette vibration-là, je la rejette. Faire 10 000 piastres par mois, pour moi, ça ne me dérange pas. Peut-être vous autres, ça vous dérangerait, mais moi, ça ne me dérange pas. Pas besoin de grand-chose pour vivre, si je veux. C'est très important. Parler d'amour, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour, puis d'amour, je l'ai dans le cul, l'amour. Parce que vous savez pas qu'est-ce que c'est? L'amour. C'est de l'humour, votre amour. Quand vous serez radiométrique, vous saurez qu'est-ce que c'est de l'amour. Il faut être patient, maudit pour aimer. Parce qu'on n'est pas des cadeaux. Il faut être patient. Et contrôler notre langue, c'est très, très, très, très important. Et plus vous serez conscient, plus ça sera important. Vous deviendrez un jour électrique. Vous comprendrez ce que je veux dire. Vous comprendrez un jour ce que je veux dire quand je dis être électrique. J'appelle ça la névrose cosmique. Tu vois tout? Tu vois tout? Quelqu'un parle, hop, tu vois tout? Quelqu'un parle, hop, tu vois tout? Tu vois tout? Quand t'es rendu, tu vois tout? Tu vois tout? C'est fatigant, maudit. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu contrôles ça, cette énergie-là. Sans ça, tu deviens électrique. T'es pas un cadeau. Parce que t'es trop sensible. Tes corps vibrent, mental vibre, astral vibre, éthérique vibre, tout vibre. Ça, c'est une de nos souffrances. C'est une des souffrances des gens qui sont dans notre entourage. On vibre. Puis rendu à ce point-là, t'es pas capable de t'empêcher de parler. Ça part. Boup, boup. Ça sort. Tu vibres. Tu deviens électrique. Pendant un certain temps, ça se tasse. Là, tu contrôles l'énergie de ta parole. Ça vient pas tout de suite. Ça va prendre des années. Parce qu'en attendant, checker vos claques. Pensez-y deux fois avant de donner le gun à quelqu'un. Coup de couteau. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que beaucoup de choses, vous allez dire, vous allez faire des observations chez les gens, et beaucoup de choses, vous allez dire, vous avez raison, le point n'est pas là, voilà. C'est pas que vous n'avez pas raison, vous avez raison. Parlez quelqu'un, vous dites, c'est un vrai vampire, lui. Vous avez raison, c'est un vampire. Mais faites attention, comment est-ce que vous le parlez? Comment est-ce que vous la faites, l'observation? Sans ça, vous allez influencer d'autres personnes contre cette personne-là. Cette personne-là va se trouver toute seule à cause de vous. Et un jour, vous souffrirez d'être électrique. Ça devient fatigant d'être électrique. Tu sais, quand je vous ai déjà dit qu'il vient un temps, tu souffres d'être trop intelligent, tu souffres d'être dans cette énergie-là. Tu voudrais être plate, là, réellement plate. Comme un homme ordinaire, là, tu sais, bien terre à terre. Fatigant? Pourquoi est-ce que vous rencontrez des gens qui sont toutes croches? Pour vous rendre tout droit. C'est pas en rencontrant des gens qui sont droits que vous allez devenir droit, c'est en rencontrant des gens qui sont croches. Je disais à quelqu'un un matin, quand vous parlez à quelqu'un et vous sentez l'autre ego, un jour vous allez le sentir, cette affaire d'ego-là, vous allez parler au monde, vous allez sentir l'ego. Apprends à la contrôler, le feedback. Apprends à contrôler le feedback. Apprends à le contrôler. Fait qu'automatiquement, tu changes la densité de ton corps astral, tu changes la densité de ton corps mental, éventuellement l'énergie descend, tu deviens radiométrique. Mais si tu réagis contre l'autre ego, puis tu réagis tout le temps contre l'autre ego, tu deviendras un hamas fluide. Alors, tu auras toujours des problèmes au niveau de ton ego, parce que ton ego ne sera pas capable d'être poreux, de laisser passer à travers. Tu vas souffrir. On sa rue, tu sors de la salle finale, t'as un problème tout de suite, t'arrives au cash, t'as un problème, tu rentres sa rue, le taxi, t'as un problème, la police, t'as un problème tout le long, jusqu'à temps que t'arrives chez vous. Tu ressors le lendemain matin, tu vas travailler, t'as encore des problèmes toute la journée. Si vous n'êtes pas poreux, si vous n'êtes pas capable d'absorber cette énergie-là au niveau de votre ego, vous allez être des êtres malheureux, vous allez être bien plus malheureux que vous étiez avant de m'avoir rencontré. La densité de vos corps subtils change quand vous me rencontrez. Donc, automatiquement, il faut que vous puissiez absorber cette énergie-là, l'absorber. L'absorber, ça ne veut pas dire en être esclave. Quand c'est assez, le vampire, là, wow! T'sais, prends du recul. Tu coupes avec. Mais couper avec une personne, c'est une prérogative de chaque personne. Chacun a le droit de couper et de ne pas voir une personne. C'est la prérogative de l'âme. Mais de là à le scinder de là à lui faire mal, c'est une autre paire de manches. Moi, je coupe du monde tout le temps. Une minute, je suis fin, puis une minute, je suis pas parlable. Je coupe tout le temps avec du monde. Mais si les gens viennent me voir, ils disent bonjour, ben non, je dis bonjour, comment ça va? Vous ne pas parler, niaiseux, vampirique. T'es fatiguant? Lâche-moi donc. Ou si je le fais encore d'une autre façon, qui ne blesse pas, mais qui fait comprendre quelque chose tout de suite. C'est radiométrique, cette affaire-là. Il y en a des gens, je leur ai dit, lâche-moi un peu. Mais ça ne leur empêche pas de savoir que j'essaie de leur faire comprendre quelque chose. C'est pas du bourrassement, c'est pas de l'éloignement. C'est de la distance. Une différence entre l'éloignement et la distance. On se distance de l'âme, on s'éloigne pas de l'âme. Vous éloignez de l'âme demain, dans 10 ans, ça va être votre ami. Prenez la distance de l'âme, ça c'est intelligent. Sans ça, vous allez vous faire manger la laine sur le dos, parce qu'il y en a, c'est des vrais vers. Mais eux autres aussi sont en évolution. Eux autres aussi s'en vont vers la même destinée que vous-même. Puis quand vous allez être électrique, vous allez le savoir. Vous allez le sentir, c'est vibratoire, c'est dans la parole. Quelqu'un va dire, bonjour Bernard, tu vas savoir s'il te vampirise. Même s'il dit bonjour Bernard, tu vas savoir que c'est pas bonjour Bernard, c'est bonjour Bernard. Pas pareil la vibration. Là, c'est Marnard. Quand c'est trop, distancez-vous, mais éloignez-vous pas. Si vous les éloignez, automatiquement, les gens vont avoir des sentiments pénibles envers vous. Mais si vous vous distancez, ils peuvent rien dire. Chez Asson, à distance de moi depuis que je la connais. Elle vient pas part, puis elle vient pas part, puis elle vient pas part, puis elle vient pas part. Mais quand elle revient, c'est encore le même smile, c'est encore le même chiasson. Un petit peu plus évolué parce que le prix de distance. Elle s'est pas fait étouffer. Ça va, ça repart. Dans 6 semaines, elle va repartir encore. Puis ça revient. Elle fait ça tout le temps. C'est un accordéon. Elle se conscientise avec son propre son, sa propre mélodie au lieu de la mienne. Mais elle s'éloigne pas, elle s'est jamais éloignée de moi. Alors, les gens doivent se distancer, prenez la distance quand c'est trop. C'est trop. Parce que vous réalisez pas que vous pouvez pas, vous ne pourrez jamais être constamment ensemble. Jamais. C'est trop. Il vient un point, il faut que tu prennes un break. Tu prends un break. Après ça, tu reviens, tu prends un break. C'est ça la liberté d'action de l'homme. Sans ça, vous allez être tout, ça va être un engrenage. Là, il va avoir éventuellement de la fiction. Parce que l'homme a besoin de la distance. Les gens ont besoin de la distance. Un qui l'explique bien, ça, c'est... Mais non! Ça fait partie de son vocabulaire. Il dit, il faut se prendre de la distance. Prends de la distance. Prends son espace. Mais ça, son espace. Il faut que vous preniez votre espace. On n'est pas des cellules. Après un corps. Ça, c'est bon pour la mystique spirituelle chrétienne. Les cellules du Christ. Tous les virus du Christ. Alors, essayez de comprendre ça, la différence entre l'espace, la distance entre vous autres de temps en temps, quand c'est un petit peu trop. Les corps s'ajustent, ensuite vous revenez, vous êtes content de le voir, et l'éloignement. Quand je dis que l'homme ne pourra rien faire créativement au niveau de la pensée radiométrique tant que les conditions ne seront pas remplies. Moi, ça fait des mois, puis des mois, puis des mois que je parle d'un centre, qu'on ait un centre, qu'on ait une place pour se rencontrer, pour jouer au pool, pour s'amuser, donner des conférences, ainsi de suite. Des mois que j'en parle. Puis il y a toujours des interférences, puis des interférences, puis des interférences. Pourquoi est-ce qu'il y a des interférences? Parce que les gens ne sont pas prêts. J'ai aidé à monter une structure. Il y a des gens qui sont prêts à ça, qui sont prêts à le faire, le mouvement. Toujours des interférences. C'est l'énergie qui fait interférence, parce que les gens ne sont pas prêts. Les gens n'ont pas la maturité de la liaison sociale. Il y a une différence entre une liaison sociale à plusieurs unités, puis un groupe de moutons. Pas de groupe. On a assez de groupes dans le monde. On est assez groupés qu'on a la grippe. Des liaisons, des affinités, des relations, ça c'est plaisant. À ce moment-là, on aura un centre.